Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan aujourd'hui à Assemblage requis, on a un nouveau chroniqueur, Maxime Bétuy, qui nous présente de la télé et du cinéma. Formidable, mais on parle toujours politique avec François Landry. C'est Assemblage requis, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 1er novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Et on t'en dirait des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Premier jour du mois de novembre. Oui, ah, parle-moi pas de Movember, quand même. J'ai envie de plus jamais me raser rien. Ah, bon, vrai. Movember, pour la cause, hein. Oh, ouais. Mais voilà. C'est une bonne idée, Matt. Ben oui. Bonne idée. Écoute, j'aimerais ça, moi, qu'il y a des gens qui appellent ce matin. OK. Et qui disent à Mathieu Plante. Laisse-toi pousser la moustache. Oui, hey, si je réussis à avoir un peu comme les animateurs de toutes les autres radios qui demandent des likes sur Facebook, là, moi, si j'ai 5 likes, là, ça va être bien en masse. Hein? Fuck les likes. Fuck les likes. on veut que les gens appellent. Ah ouais. Bonne chance. Hein? Ah ouais. Bonne chance. Écoute, on pourrait faire peut-être un petit jeu. Ben là, j'avoue qu'il est quand même de bonheur. Hein? Ouais, mais bref, en tout cas, pour les gens qui sont matinaux comme nous, appelez-nous. 819-376-5183 et dites à Mathieu Plante. Mathieu Plante, je veux voir ta moustache à la fin novembre. Ah, ben, Colin. C'est tout. Est-ce que tu penses qu'on va appeler du monde, hein? Ben, pour appeler du monde, il faudrait participer, tu sais. Sinon, on est un peu cheap. Ouais, c'est ça. Ben, écoute. Tu sais, on peut peut-être appeler des gens la semaine prochaine. OK. Mais ta moustache, par exemple, pas le droit de la raser. C'est fini, là. En tout cas, t'es sexy. Ouais, mais hein. T'es sexy. Sexy, Colin, je sais pas ce que j'ai. Hein. Je sais pas pourquoi tu touches les joues, mais quand je te parle de sexy, c'est plus en dessous du nez. Ouais, mais je suis juste pas rasé de nulle part, là, en ce moment. Fait que ça a l'air un petit peu. C'est long, un peu. Ouais, mais... bouilleux, là. Ouais, ben non. Mais... Bah, en tout cas. Donc, sinon, l'émission d'aujourd'hui, ça te tente d'en parler? Non. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on veut parler de ta moustache, moi? Eh, c'est un beau sujet. Maxime Bétuy, nouveau chroniqueur à partir de 8h cette semaine et tous les jeudis. Il va nous faire une chronique cinéma, tu sais, d'actualité cinématographique. Là. On aime ça. On va parler entre autres de Disney et Star Wars, la grosse nouvelle de la semaine. Oui, oui, mm-hmm. Oui, j'ai vu ça. Et puis trois autres. Comment c'est ça? Trois autres Star Wars. Oui, trois autres, oui, Star Wars, nouveau film de Star Wars. Je comprends pas, mais en tout cas. Là, tu sais, pourquoi pas, c'est de l'argent, comme on appelle dans le domaine, on appelle ça de l'argent. C'est de l'argent titi, ça, mon ami. Et ça, il va nous parler aussi de séries télévisées, donc c'est dans sa chronique à 8h tout à l'heure. Formidable. Ensuite, à 8h30, François. François Landry, qui va nous parler, en fait, comme à tous les jeudis, de politique. Et puis, écoute, cette semaine, on va parler, lui va... Il va t'en parler, tu vas réagir à... C'est ça, exactement. Sujet d'aujourd'hui. Et c'est reparti, mon kiki, hein? Ouais, c'est l'indice qu'il nous a donné. Donc, c'est reparti quoi? La commission Gomery? Oh. Je pense que oui, en fait, ça fait... Toi, à date, François, je veux pas te déplaire, là, parce que tu sais que, je veux dire, je t'apprécie énormément. Ouais. T'as tendance à mal deviner. Un peu, juste un petit peu. Ouais, mais... Toi, t'essayes pas. Non, c'est ça, fait que j'ai pas de mérite, mais je sais pas, j'aime mieux... Et c'est reparti, toi, tu penses quoi? Je sais pas. Je connais pas ça. C'est... Écoute, la commission Gomery, pas Gomery, excusez-moi, Charbonneau, c'est avec la Boussée de Mer de Montréal. Oui. Tremblay. Solidement. Ouais. Écoute, Qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est peut-être ça ou c'est peut-être pas ça non plus, là? Je sais pas. C'est peut-être rapport avec Pauline Marois. Pauline Marois, c'est tout le temps autour de Pauline Marois. Tout le temps, dans la députée. Peut-être aussi, oui, mais je pense que oui. Parce que là, ça peut vouloir dire bien des choses, on s'entend. C'est et c'est le but de François Landry. Ouais, il fait parler ça. Comme ça le matin. C'est un gars mystérieux, c'est ça qui fait qu'on est comme attiré. Ouais. Par sa chronique, là. Bon. Ah oui, tout à fait. Je sais pas s'il va se laisser pousser les moustaches, Je sais pas, ben d'habitude, ça vient avec l'ensemble barbesque. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Mais seulement la moustache, je sais pas, on pourrait lui demander. Non, je pense qu'il est physiquement incapable de se raser la barbe. Oh, ouais. Ça veut pas, le rasoir ne passe pas au travers de ses poils. Mais je pense que les gens de l'OGE, en fait, se laissent pousser un moustache pour ceux qui peuvent, là, bien entendu. Oui, c'est ça. Ceux qui sont capables, il y en a qui sont jeunes là-dedans, pas mal. Ouais, et puis il y a des filles de. Le bébé de la présidente, c'est ça, s'il ne laisse pas pousser un moustache. Ben, je pense pas, non, le petit Thomas. D'ailleurs, qu'on salue. Oui, salut Thomas. Ce matin. Allô! Gagagougou! J'aime ça. Eh mon Dieu. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Je sais pas, on fera peut-être d'autres choses, on verra bien. Pour l'instant, on écoute Yann Perrault et un nouvel extrait de l'album À genoux dans le désir. Voici Acrobate de l'éternité. On fait les petites culbutes de moustache. En sifflant. Appelez Mathieu, là. Ouais, ouais. 37651. Il a besoin de compagnie en ce moment. Île de musique, naufragée chez toi. En état d'un péché démentiel depuis toi, j'ai la bête immortelle des mots plus belles. Accident, mon intempérie sexuelle. T'as mis le nez dans mon jeu, la main sur mon butin. On a tout misé sur nous, le ciel d'or. Acrobate de l'éternité. De l'éternité. Tes jambes autour des miennes, en rivière et en fleuve. Toujours devenir des étoiles filantes de jour dans des cieux parallèles. À la ligne de départ, à l'arrivée, le désir me mord de plaisir. Je suis né, j'ai toujours su que j'allais te rencontrer, toi mon garde du fou que je suis. Mon passage à niveau, ma campagne de bistrot. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. À force d'escalader des acrobates de l'éternité. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. De l'éternité. Before OK, go. Et la pièce All Is Not Lost sur l'album The Blue Color of the Sky. François-Yves Marchand est là. Ouais, Mathieu Plante aussi. Oh, oui, puis là, on passe un bon moment ensemble, François et moi, en studio, avec vous, les requins. Oui, avec vous, les requins, évidemment. Et on aimerait ça que les requins appellent ce matin, là. Vous êtes un 9-3-7-5-1-8-3. On veut voir une moustache dans la face avant de se plaindre. Je sais bien quelque part, est-ce que c'est compliqué? Non. Non. Je pense que François Landry va m'appuyer dans cette décision. Je l'espère. Clin d'œil. François, il n'est pas là, me voit pas. Donc. Déclarer un peu dans le bar, mais je pense que ça te fait sourire. Oui, mais c'est sûr. J'ai pas honte et peur. Et ça fait sourire les gens aussi. À la maison. Ben, non, évidemment, mais... à la radio, il n'y a rien de plus drôle que de voir un animateur de radio avec juste une moustache. Ouais, avec une moustache, mais sinon, les gens que tu croises dans le corridor, tu pourrais mettre un sourire dans le visage. Aux toilettes. Tu sais, François Landry, c'est là qu'on se voit surtout, fait qu'il pourrait comme rire de moi aux toilettes. C'est vrai, je le vois souvent aux toilettes. À chaque jour. Ben, moi, pas à chaque jour. On dirait qu'on est timé. Tu sais, c'est comme les filles qui sont timées sur la règle. Nous autres, on est timés sur la pause pipi. J'aime ça. Ouais, tantôt, on va faire ça, mais ça devrait pas. Là, je pense qu'on a ça à faire parce que Mandel n'est pas pour faire une heure sans rien dire, là. Hein? Donc, Olicard arrive à 8h, donc on va se débrouiller avec ça. Par contre, avant ça, je sais que toi, t'apprécies Marie Plastique de Tremblay. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas entendu. On se gâte. Marie Plastique. Comme à l'épicerie, tu me demanderais, je vais prendre papier ou plastique, Marie Plastique. Là, je ne demande plus, là. Y a-t-il encore des sacs papier? Non, je pense plus des bacs de plastique. Je sais pas. Donc, Marie, je sais qu'il y a de des plastique. Boîtes. Ouais. Il y en a qui ont des boîtes, ça, c'est le fun. Quand tu déménages, c'est toujours pratique. Ouais, c'est maxi. On parle pour rien dire. C'est ça. Qu'est-ce que tu prouves, à qui tu veux le prouver? Est-ce que tu trouves ou tu fais rien que chercher? Marie Plastique, Marie Plastique. Drop ton fer plat, tu travailles trop pour plaire. Moi t'as l'air plate, laisse donc tes cheveux se défaire. Marie, t'es belle, pose ton sourire avant que ton visage se déchire. Marie Plastique, Marie Plastique. Sans ton ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi te l'air? Marie Plastique, je m'en fous que tu t'habilles en Chanel, en Versace, Gucci, Jean-Paul Gaultier. Tu vaux bien plus que de la ficelle. Marie Plastique, enlève sans don, ça te voit bien les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu veux rester tranquille, as-tu vu de quoi te l'air? Marie Plastique.

summer it is nearly gone. It went so fast. Summer it is nearly gone. Wish you could have laughed. But joy, joy, joy. Joy doesn't live, it don't live in the past. So if I'm leaving down south, will you come? Will you come with me? If I leaving down south, will you come? Will you come with me? I will be free, free to be. Where we'll be free, free to be. I woke up with memories of your smiling face. I couldn't let them go away. The sun was shining, sparkling on the lake. I couldn't let them go away. Will you love your sweet love? Yes, it follows me day after day. If I'm leaving down south, will you come? Will you come with me? If I'm leaving down south, and we'll be free, free to be. We'll be free, free to be. Yeah! C'était donc bien bon, ça. Hey, ça sonnait super bien. Parfait. Formidable. Rock on, rock on. Ouais. Ça s'appelle wow. Free to Be, en fait, je pense. Comment? Le nom? Free to Be, je pense que c'est ça. On va donner ça, le nom de cette tune. OK. Bon, on vient de nommer une chanson live en direct dans le studio. Hey, faut bien qu'on s'appelle. Hey, c'est excellent, pour vrai. Vraiment. Vraiment content. Ça fait du bien le matin. Wow! Cool. Ben ouais, c'est un peu, tu sais, c'est du bon folk, le feeling le matin. Mm. Là, ça repart tout ça d'une belle manière. C'est merveilleux. Wow! Génial. Jean-Michel Renaud de la formation Eastwalk. Oui, Jean-Michel Renaud, merci beaucoup. Bravo et excellente performance en direct dans le studio. C'était plutôt cette année, au mois de février, qu'on a enregistré ça. Évidemment, on a enlevé tous les bouts faisant référence à des spectacles parce qu'on veut vous parler, nous, du spectacle qui a lieu ce soir à la Chasse-Galerie. Exactement, qui va se dérouler à 22h et c'est gratuit, évidemment. Chanson du nouvel album. Oui, c'est une présentation, une des premières fois, en fait, que le groupe de médias étudiants, C'est fou, Zone Campus, présente, en fait, des spectacles. Je pense qu'on essaie de travailler un peu là-dessus, essayer d'aller chercher peut-être un sentiment d'appartenance, et puis de montrer, en fait, aux étudiants qu'on est présent, puis qu'on est capable de faire des belles choses ensemble. On leur offre quelque chose, on vous offre quelque chose à vous, les étudiants. Exactement. Donc, venez en profiter. Oui. Ce soir. 22h. Chasse-Galerie. Yeah. Allez voir sur Facebook Histoire de la Chasse-Galerie de l'UQTR pour vous inscrire, dire que vous allez être présent. On veut voir votre petite bête sur la feuille, sur la page. Sur la feuille. Ça fait old school, ça, sur la feuille. Ouais. Une page web, là. Une feuille web. On pourrait appeler ça de même, c'est une feuille web. On écoute leur extrait October Road. C'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Ça vient directement de leur nouvel album East Road, tout de suite. Et allez voir eastroad.bandcamp.com pour écouter l'album au grand complet. Avant de les voir, là. Vous allez pouvoir chanter avec le chanteur. Ouais. La, la, la, la. Ça va être cute. Il va vous voir dans la foule, il va dire: ah, wow, ils connaissent les paroles. Toi, il monte sur le stage. Saturday morning, my heart is on the move. What if we will leave, my friend? Saturday morning, my heart is on the move. Wanting too much, take my things and go. Hit the road,

C'était East Road avec la pièce October Road, nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est sur leur nouvel album qui s'appelle aussi East Road. Hein. Ils l'ont dit dans une autre entrevue. Je sais que Danny Janvier a reçu East Road la semaine passée, il y a deux semaines. Oui, exactement. Ouais, et il parlait justement du fait qu'il voulait que l'album soit homonyme pour que les gens puissent le trouver facilement sans avoir à chercher trop longtemps. C'est génial, c'est une bonne idée. Ouais, et je sais pas si Danny va vous reparler d'East Road, sûrement ce midi, peut-être faire rejouer ses performances, on sait pas. J'imagine, et venir rencontrer Danny aussi ce soir. Hein. Danny risque d'être là. Ah, le beau Danny. Ah, le beau Danny. Hey, ce que j'y ferais. Danny. Ah, écoute, tu peux y faire ce que tu veux. aucune envie. Ben, fin. Donc, East Road, spectacle ce soir, 22h. On le rappellera jamais assez. En fait, on l'a fait pas mal. Ouais, on s'en vient pas pire. Ben, c'est de l'autopromotion. C'est important pour nous et c'est important pour vous. Que ce soit important pour vous, que ce soit important pour nous. Tu m'as un peu perdu, mais j'imagine, ouais, écoute. Bah, c'est de même dans ma tête. Bon. On retourne en musique. On va entendre un petit peu de M83. C'est d'électronique, ça, yeah, mon François. Oui, exactement. Et écoute, et j'ai mélangé ça avec Deadmau5. C'est difficile parce qu'il y a un 5 dans le nom de Deadmau5. Les gens disent Deadmau5, des fois c'est Deadmau5. Ah, c'est Deadmau5. Ça dépend. Ah, ok. C'est comme M83. Tu peux dire M. Deux boules de crème à glace. 3. Un petit cœur. M, deux boules de crème glacée, petit cœur, non? Tu pourrais. Ça ressemble un peu à ça. Non? J'avais pas vu ça de même, là. Non. Mais la crème glacée puis de l'amour. Ouais. Ou 38W, là. Tu sais, si tu verses ça à l'envers. Ouais, c'est vrai. Donc, on va écouter la pièce Midnight City sur leur album Hurry Up, We're Dreaming. On écoute ça. Où donc, déjà? Assemblage Ricky. Ouais. Sur quelle station? Non? C'est fou. C'est fou, 89.1 FM. Hey! Boule de crème glacée. Hey, c'est bon, ça. Petite queue. Puis il y a une ligne. C'est queue, ça. Mangez trop de bonbons, toi. Hein? T'as passé l'Halloween, là. Tu trouves pas qu'un 9, ça ressemble à... Oh, Excellent Diamond Rings. Et puis, I'm Just Me sur l'album Free Dimensional. J'aime beaucoup le titre de l'album. Moi, il me fait capoter. Free Dimensional. C'est bien, Diamond Rings. Ouais, Diamond Rings. Tu sais, on avait parlé un peu et on avait dit, ouais, celle-là, je sais pas, ça ressemble, mais graduellement, ça commence à rentrer dans mon cerveau. Ouais, ça va être une bonne habitude d'écouter du Diamond Rings une fois de temps en temps. Exactement. Dans quelques minutes, dans 15 minutes, une quinzaine. Maxime Bétuy, nouveau chroniqueur cinéma, télé, toutes les choses qui nous intéressent, là, qu'on aime. On n'a pas ça, puis ça manquait à l'émission, je pense. Parfait. Ça va être très, très bon. Il va nous parler, entre autres, de Disney qui a racheté nos amis de chez Lucasfilms. Pourquoi 4,5 milliards? Ouais, quelque chose comme ça. C'est énorme. Ça, c'est beaucoup d'argent. On va parler aussi d'un succès québécois qui va être adapté ailleurs dans le monde. Mm-hmm. On vous laisse planer le mystère là-dessus. On va aussi avoir le chiffre de la semaine. Oui. Et 4. Je sais pas, cette semaine, on dirait que j'arrête pas de voir des 4 partout. Ah oui? Ouais. J'ai aucune idée pourquoi. En tout cas, chiffre de la semaine pour moi. 4 anges. Ouais. C'est ça. On va aussi parler de séries télé avec, entre autres, The Walking Dead et Homeland. Voilà, je lui laisse mentionner ces sujets-là plusieurs détails plus tard, là, mais je veux juste vous donner un avant-goût, vous mettre l'eau à la bouche. Génial. Baver un petit peu. Un petit peu sur le bord de la lèvre. Ça va être bon. Et c'est le fun, d'ailleurs, un nouveau chroniqueur. Ben oui, c'est ça. Oui. Cette année, on a quand même pas mal de nouveaux collaborateurs. Je trouve que c'est le fun d'avoir un petit peu de variété comme ça. Tout à fait. Et pour les gens que ça peut intéresser, animer une émission de radio, comme on fait en ce moment, ou sinon, écoute, une chronique. Meilleure, potentiellement. Ouais, meilleure, écoute, de votre style, ça peut être rap, country, n'importe quoi, là. Ouais, on cherche ça activement, une émission de country, je pense. Hein? Non. Non, mais tu sais, si ça venait sur la glace, écoute, je pense que. On le prendrait, ouais, c'est blues, c'est notre mission aussi. Blues, jazz, musique du monde, électro. Trame sonore de film, si jamais il y en a, ça leur tenterait, ce serait vraiment le fun. C'est vrai. Plein de style. Présentez-vous ici à C'est Fou. Ouais. Et puis, on va vous dire comment ça fonctionne. Non, c'est pas compliqué. Pas obligé d'être étudiant. Pas obligé d'avoir de l'expérience non plus. On vous coach. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous montrer comment ça fonctionne, comment faire votre canevas d'émission, votre planning de la journée. Et puis, passez à voir nos bureaux. Ils sont à côté, à gauche du 10-12. Donc, oui, et là, suivez l'odeur de la bière. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. Et puis là, l'accès est quand même réduit dans le sens où il faut passer par la chaise de galerie. C'est plus simple. Hein? Oh, ouais, c'est plus simple. Et si vous passez ce soir, il y a un show des Sprouts. Tout à fait. Donc, venez dans la journée parler de votre future émission. Après ça, restez. Vous prenez un café, une petite viennoiserie à la chasse. Et puis, restez jusqu'au show des Sprouts. Bon, c'est dit, ça? C'est dit. On aime ça. On retourne en musique. On va changer de style pour l'instant. On va l'entendre du Gas Anthem et leur nouvel extrait du palmarès Handwritten. Bon, ça? Ouais, oui, j'adore ça. Vendu? Vendu. Ah, c'est fou dans vos oreilles. Yes. Viewmaster, une chanson d'Atomic Baobab, formation locale qu'on adore. On aime bien ça, effectivement. Mm-hmm. On va continuer notre tradition qu'on fait depuis le début de l'émission, c'est-à-dire annoncer ce qui s'en vient sans vraiment dire quelque chose de nouveau. Donc, Maxime Bessuy s'en vient tantôt avec sa chronique cinéma et télé. Ça s'en vient, il va nous parler de plein de choses vraiment intéressantes. On va aussi avoir François Landry. Oui, tout à fait. Et son sujet d'aujourd'hui, un peu un mystère, ça s'intitule « Et c'est reparti ». Donc, vas-y mon pas, kiki. Ouais, on sait pas trop à quoi s'attendre. Bon, ben on va savoir tout ça dans la deuxième heure d'Assemblage requis. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. Restez là. C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 1er novembre 2012. François-Olivier Marchand est juste là. Mathieu Plante est là aussi. Les requins sont là en fureur et ils lèvent les petites nageoires. En fureur. Ils sont contents, ils ont du plaisir à nous écouter dire absolument rien pendant la première heure. Mais maintenant, nous voilà avec du contenu. Hein? Maxime Bétuy est en studio, nouveau chroniqueur à l'émission. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Ça va? Oui, ça va très bien. Pas trop stressé? Non, non, c'est bon. C'est bon, pour une première, c'est normal, de toute façon. Donc, tu nous parles de cinéma et de télé dans ta nouvelle chronique, auquel on lui trouvera un nom plus tard à ta chronique, hein, finalement. Ouais, ça va venir. On va penser à ça. Donc, on va commencer avec la grosse nouvelle qui est tombée mardi soir. Et oui, ça a fait une explosion dans la galaxie. Disney annonçait le rachat de la société Lucasfilm et donc des droits de Star Wars avec l'ambition de relancer la saga mythique qui avait fait le succès de George Lucas. Après le rachat de Pixar puis de Marvel, Mickey a donc décidé de s'offrir Lucasfilm pour la modique somme de 4,5 milliards de dollars. Les Jedi, qui étaient alors seuls propriétaires de leurs créateurs, quittent le cinéma indépendant pour intégrer le groupe mondial du divertissement. Disney a immédiatement annoncé un nouveau Star Wars pour 2015, ce qui a immédiatement choqué les fans. Tout d'abord parce que Star Wars sans Lucas serait comme une poutine sans sauce. c'est vraiment bizarre, là, en fait. Là. Bah, j'essayais de trouver une expression que vous pourriez comprendre. on la comprend, celle-là. Oh, ouais. En effet, c'est une drôle d'idée et c'est très, très soudain. On rachète et là, immédiatement, on a tué trois films. Trois fois, voilà. Pas juste un, s'il va marcher, on en fait d'autres. C'est trois directement. Là. T'es pas mal sûr de t'assurer d'un certain succès, bref, ouais. Pour le premier. Mais ça peut peut-être les rattacher un peu l'image de la légende fort. Mais Lucas disait qu'il voulait léguer Star Wars à d'autres avant de mourir pour pouvoir avoir un certain genre de droit de regard là-dessus. Je sais pas si c'est ce qui va se passer, mais les gens disent que l'achat de Marvel a aidé t'sais, que ça a amélioré les pas. Films de, des marques de Marvel, je sais pas. Disney s'en est bien sorti avec Avengers et d'autres films. Alors, exactement, peut-être. Joss Whedon qui a réalisé The Avengers, les gens disent ce serait donc le fun si Joss Whedon, qui est créateur de Buffy contre les vampires, venait réaliser le prochain Star Wars aussi. Quelqu'un de gros comme ça pourrait reprendre la franchise, ça pourrait être une bonne idée. On verra bien. Ouais. Et donc c'est aussi parce que le réalisateur avait annoncé que la saga cinématographique était bel et bien terminée et que l'histoire se perpétuerait à travers les jeux vidéo et la série animée La Guerre des Clones. Le futur mais néanmoins très riche retraité George Lucas devrait tout de même rester consultant sur la saga Star Wars. Il a déclaré avoir eu du plaisir à voir passer Star Wars de génération en génération durant ces 35 dernières années, mais qu'il était maintenant temps pour lui de passer la Guerre des Étoiles à une nouvelle génération de réalisateurs, et conclut en disant « J'ai toujours cru que la Guerre des Étoiles me survivrait et je pense qu'il était important de mettre la transition en place de mon vivant. » C'est bien dit, c'est bien dit. Alors, quelle va être la suite pour la Guerre des Étoiles? Un préquel à la menace fantôme ou la suite du retour du Jedi? La question reste ouverte et il est inutile de dire que les fans vont eux aussi suivre l'affaire de très près. A noter qu'avec cette acquisition, Disney s'empare également des droits d'Indiana Jones. Reste à savoir ce qu'ils vont en faire. Oh, parce que l'acteur commence à être vieux pas mal. Son le plus récent, pas le meilleur, je pense. Mais ils ont introduit son fils dans le dernier. Ça laisse suggérer que peut-être qu'il sera le héros du prochain film. Peut-être. J'ai hâte de voir ça. J'ai l'impression que les fans vont partir avec vraiment le négatif en tête. Ils vont pas c'est vouloir sûr. Aimer les films. C'est sûr. Moi aussi, je pense ça. Ouais. Tant qu'on sait pas ce qu'ils vont faire, je pense qu'on peut on pas trop se demander. Ouais. Alors, on reste chez Disney, mais on passe dans l'univers de Marvel maintenant. Et oui, Iron Man fait son retour sur le devant de la scène. La campagne promotionnelle du film prévu pour mai 2013 a commencé avec une nouvelle affiche, de nouvelles photos et surtout la première bande-annonce. D'après les producteurs, le long métrage réalisé par Shane Blake doit montrer que les super-héros sont aussi efficaces seuls que quand ils travaillent en équipe. On rappelle d'ailleurs que The Avengers, sorti l'an dernier, avait pour objectif de montrer le contraire. La suite de The Avengers est d'ailleurs prévue pour 2015, en même temps que la Ligue des Justiciers. En effet, les héros concurrents de DC Comics sont prévus de se retrouver au cinéma avec en tête de liste Batman et Superman. Aucun doute, le choc des héros aura bien lieu l'an prochain. Oh, ça va être gros, ça va être gros. Alors, on enchaîne avec un succès québécois. Oui, ça a été un véritable succès à travers le monde. Le film Starbuck de Ken Scott, qui met en scène l'histoire inspirée de faits réels de David Wozniak, donneur de sperme très généreux, qui un jour se retrouve avec ses 533 enfants, va se voir adapté aux États-Unis et en France. La petite famille. Oui. Ken Scott dirigera lui-même l'adaptation de son film aux États-Unis, qui s'appellera également Starbuck, dont le tournage a débuté le 15 octobre à New York et devrait sortir courant 2013. Vin Vaughn et Cobie Smulders y interpréteront les rôles principaux. Cobie Smulders, c'est la fille de How I Met Your Mother. Je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si tu suis la série. Je regarde pas. Non, Mother! Je vais me faire taper sur les doigts. Ouais, c'est ça. Tu manques quelque chose. En France, le film s'appellera Café Crème. Et oui, vous avez bien entendu. Pour une fois, ce sont les Français qui adaptent un titre québécois. C'est pas The Sperminator ou quelque chose comme ça. Ça aurait été pas pire. Ouais, pas pire. On n'a pas trop de Starbucks en France, alors non. C'est peut-être pour ça. Il sera en tout cas mis en scène par Isabelle Doval, réalisatrice de Rire et Châtiment, qui dirigera son compagnon José Garcia dans le rôle principal. Le tournage devrait commencer début 2013. Seulement, il y a un petit problème dans l'affaire, puisqu'en juillet dernier, l'auteur Guillaume Cochin et les éditions, alors attention, le nom est compliqué, J.C. Gowerswitch, ont engagé une procédure auprès du tribunal de grande instance de Paris. Selon ces derniers, le film serait directement inspiré de son livre Spermatofolie, publié en 2007. Et donc, Starbuck n'avait aucun lien avec Spermatofolie, mais il y a un livre qui s'appelle comme ça et qui parle un petit peu de la même histoire. Ouais. Et là, il y a une poursuite par rapport à ça. Et du coup, la procédure pourrait donc ralentir la production de ces deux nouveaux projets, bien que pour le moment, on ne sache pas à quel point les deux nouveaux films ressembleront à l'original. Maître Gilles William Goldnadel, avocat de la maison d'édition, a déclaré « Je ne sais rien sur ces projets qui n'ont rien à voir avec les éditions Gas of Switch, mais si une telle entreprise est faite, je ne vois pas comment faire l'économie d'une procédure. Affaire à suivre, donc. » Tout à fait. On passe maintenant, et là, il va falloir sûrement faire quelque chose de spécial, genre on passe au chiffre de la semaine! C'est le chiffre de la semaine. Ah, mieux, mieux, mieux. Le chiffre de la semaine, c'est 9 400 000 dollars. C'est ce qu'a rapporté Cloud Atlas, le nouveau film des frères Wachowski, au box-office américain. Alors, c'est une vraie dégringolade pour les deux frères qui sont passés d'un démarrage de 91 millions de dollars pour Matrix 2 à 48 millions pour Matrix 3 et 18 millions pour Speed Racer. Ouh. Alors, combien de temps encore les deux réalisateurs vont réussir à garder la confiance de leur producteur, bien qu'il nous ait toujours surpris en tentant des choses pour le moins inhabituelles. Rappelons tout de même que cet ovni cinématographique de 2h44 est sorti le 26 octobre dernier et qu'il met en scène Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving ou encore Hugh Grant. Ben, tu dis 2h44, en effet, ça a l'air extrêmement long. Par contre, le concept a l'air tellement original où c'est chaque acteur joue plusieurs rôles à différentes époques. Je trouve que l'idée est géniale. Il reste à voir si l'exécution est bonne. Je suis pas allé le voir. J'ai pas vu encore, je sais pas. Ça a l'air intriguant, moi, Tom Hanks, de voir en vilain, Je l'aime bien, lui. Ouais, ben, moi aussi, il est très, très drôle. Alors, on passe maintenant à l'actualité des séries télé. Et on commence avec le nouveau record des séries The Walking Dead et Homeland. Les deux séries des chaînes câblées AMC et Showtime ont réalisé des audiences exceptionnelles, rivalisant largement avec les grandes chaînes nationales américaines. Homeland, diffusé juste après Dexter, qui au passage continue de réunir environ 2 millions de téléspectateurs malgré sa 7e saison, a réalisé un record d'audience pour le show avec 2,7 millions d'adeptes. Alors, Homeland va-t-elle continuer son ascension ? En tout cas, la série qui a tout raflé lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards en septembre vient d'être renouvelée pour une 3e saison. Elle est actuellement en diffusion sur Télé-Québec tous les mardis à 21h. Mais la performance de la soirée vient de la série The Walking Dead qui n'est pas en mal puisqu'elle avait réalisé son record d'audience quelques semaines auparavant lors du lancement de la 3e saison. La série post-apocalyptique a réuni 10,51 millions de téléspectateurs pour la diffusion de l'épisode 3. Seuls The Big Bang Theory et Family Modern sont aujourd'hui capables de rivaliser avec la petite chaîne AMC et rappelons pour l'heure qu'aucune date de diffusion au Québec n'a été annoncée. On parle de Walking Dead, aucune diffusion. Par contre, Family Modern... Un succès relatif pour Télé-Québec. Évidemment, quand tu joues à Télé-Québec, tu t'assures d'avoir une pointe de la part de marché, mais quand même, ça, on parle de qualité et non de quantité de téléspectateurs dans ce cas-ci. C'est des séries que je ne suis pas, malheureusement, à Walking Dead et Homeland. J'aimerais ça commencer à suivre ça. Est-ce que tu les suis? Est-ce que tu es à jour dans les épisodes? Tout le monde autour de moi me dit « J'ai raté l'épisode d'hier! » Tu sais, ils téléchargent illégalement sur Internet, clairement. Alors, je ne regarde pas The Walking Dead, je ne regarde pas encore Homeland, mais alors, il paraît qu'Homeland, c'est très prenant et c'est génial. Ça parle de quoi? Alors, Homeland, c'est un soldat américain qui revient d'Afghanistan, en fait, et on ne sait pas s'il est passé à l'ennemi ou pas. Et en fait, toute la série se joue sur ce paradoxe. Est-ce que le soldat américain est devenu, en fin de compte, taliban ou... Et est-ce qu'il va organiser des attentats aux États-Unis? Ok, quand même. Ça, c'est le pitch. Ça a l'air intense. Walking Dead, c'est une histoire de zombies. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Voilà. Moi non plus. S'il y a des amateurs, qu'ils se fassent connaître. Je pense qu'il y a que ça, on dirait, c'est assez des fans de Walking Dead. Mais bon. Il y a Anne-Julie? Oui, Anne-Julie. Jasmine, je crois. Je sais pas si Alexandra suit ça. En tout cas, tout le monde autour de nous, on dirait, suit ça. Et puis, on termine un peu avec la tempête Sandy qui a fait des victimes parmi les séries télé, c'est triste. Oui, on en a beaucoup parlé cette semaine et malheureusement, il y a eu des morts. En effet, le bon nombre d'entre elles seront repoussées d'une semaine aux États-Unis pour laisser place aux envoyés spéciaux et autres reportages qui couvriront les dégâts de l'ouragan Sandy. Pour résumer, 90-210, Gossip Girl ou encore Hawaii 5-0 n'ont pas été diffusés lundi dernier et sont reportés à la semaine prochaine. Également, quelques annulations du côté de NBC mardi. En revanche, rien pour ABC et la Fox. Donc, si vous n'avez pas eu votre épisode de lundi dernier, ne vous inquiétez pas. Les gens chialent hein, pour ça, mais tu sais... C'est une grosse nouvelle, c'est normal qu'il y ait une émission ou deux qui soit retirée des ondes temporairement. Il va juste en avoir plus de suite à écouter avec moins de congés. C'est après ça. Mais bon. On continue avec la nouvelle série de The CW, Arrow, qui raconte l'histoire du personnage de DC Comics Oliver Queen, milliardaire abandonné pendant 5 ans sur une île déserte qui décide de devenir l'archevêque. La série avait pour but de remplacer la défunte Smallville qui avait rendu la cape de Superman en mai 2010. Triste. C'est sans grande surprise que Arrow obtient une saison complète de 22 épisodes alors que seuls 2 d'entre eux ont été diffusés à ce jour. C'est quelque chose quand même, seulement 2 épisodes et déjà on dit on veut une saison complète, donc ça fonctionne très bien. Mais ils ont mis tellement de budget sur cette série-là, c'est incroyable. Mais les critiques disent qu'en termes de qualité, c'est la meilleure série que CW a sortie depuis Journal d'un vampire. C'est exactement un très bon point, c'est la meilleure série que The CW a sortie parce que CW est reconnue comme étant c'est une chaîne... En fait, c'est un réseau généraliste avec plusieurs stations. C'est pas une chaîne spécialisée comme, disons, AMC ou Showtime. Ils ont tendance à sortir beaucoup de séries pour filles, tu sais. C'est de là que viennent les Gilmore Girls, les Dawson's Creek, les trucs comme ça, les trucs clichés pour adolescentes. Et là, CW se met à faire des séries sérieuses comme Arrow qui vont vraiment plaire, un, aux geeks de bande dessinée, mais deux, aux filles aussi qui veulent voir un gars sans son chandail tirer des flèches. Parce que c'est un peu le but de la chose aussi. Hein. En tout cas, il n'en fallait pas moins à Oliver Queen pour convaincre le public, puisqu'il a réuni 4,14 et 3,55 millions de téléspectateurs. C'est tout simplement le programme le plus regardé de The CW sur ces deux semaines-là. Tant mieux. Le premier épisode a tout simplement réalisé la meilleure audience de la chaîne depuis la diffusion du premier épisode de Journal d'un vampire. La série permet même à la chaîne de battre NBC entre 20h et 20h30 et de redonner un second souffle à Surnaturel qui enchaînait les mauvaises audiences. Nul doute que la série est très attendue par les fans, il faudra néanmoins attendre la fin de la diffusion américaine pour espérer avoir une date de diffusion au Québec. Ça va sûrement venir. De ces temps-ci, je me demande, on reste dans le domaine de la télé, tu sais, des séries comme The Big Bang Theory, dont on parlait plus tôt dans la chronique, est maintenant diffusée à VRAC TV sur une chaîne pour enfants. Tu sais, mettons, Arrow, est-ce que c'est quelque chose qui fitterait à, disons, comme VRAC TV? Tu sais, il y a des séries comme ça que je me demande où est-ce que ça fitterait à la télé québécoise, parce que c'est pas, est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que ça devrait être à Z Télé? Tu sais, je sais que tu connais peut-être moins les chaînes québécoises, mais c'est des choses que je trouve bizarre dans l'adaptation des émissions au Québec. Smallville était diffusé sur quel? Sur VRAC TV aussi, mais une chaîne vraiment pour jeunes enfants, alors que c'est pourtant une émission quand même relativement adulte, Smallville, par moment. Ça dépendra peut-être des audiences aussi, ouais. Je sais pas. Bizarre. Mais VRAC TV s'est rendu comme un peu plus vieux que ce que ça l'était, là, que communément t'appelais le canal famille. Mm-hmm. Pour ça, c'est plus Youpa, c'est beaucoup plus jeune. Il y a Télé-Québec qui a fait beaucoup de bonnes séries, donc peut-être que ça pourrait se retrouver là. Télé-Québec qui travaille très fort sur leur contenu, d'ailleurs. Oui, Mad Men, entre autres, qui est diffusé à Télé-Québec. Exactement. Et c'est difficile de... Comme c'est quand même les super-héros, c'est davantage pour les jeunes. Donc c'est l'image qui doit changer aussi, peut-être. Exact. Je sais pas. J'adore ça parler de télé avec toi, je trouve ça vraiment cool. On se refait ça à chaque semaine, cinéma-télé, dans la chronique de Maxime Bétuy. Ouais. Et puis, merci. Tous les jeudis à 8h. Jeudi, 8h, exactement. Dans quelques minutes, ce sera François Landry et sa chronique politique. Mais pour l'instant, on va retourner en musique à l'entendre une pièce avec laquelle je pense qu'on est tombé un petit peu en amour avec la pièce de White Horse. À moins que je me trompe, François. Ah je non, crois tu que... te trompes pas, tu te trompes pas du tout. C'est réciproque, tout ça, c'est mutuel et c'est tout le monde s'entend là-dessus. Voici Devil's Got a Gun. Assemblage requis. Girl has ceased to make her father pay. deep. I'm never going back. I'm running from the sun. Bullets at my heels. The devil's got a gun. I'm never going home. I'll be the only one. The daylight on my tail. And heaven on the run. Daylight on my tail. And heaven on the run. On parle de politique avec François Landry dans Logocratie 101. Dans l'assemblage qui reste là. C'est qui ne restera pas là pour ça? Même pas besoin de le dire. Pourquoi je dis ça? C'est tellement évident. Rien, rien, en tout cas. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Lundi, à assemblage requis. Sébastien Duluth parodiera The Hunger Games dans sa chronique Va voir ailleurs, j'y suis. Et on parlera d'art et spectacle avec Alexandra Carignan, le temps d'une culture. C'est lundi de 7h à Assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. 8h24, François-Louis Marchand est toujours là. Mathieu Plante aussi. Mm-hmm. Il arrive en studio gambadant comme ça, comme un petit lapin. Dans la joie. Dans la joie et l'allégresse. Voici François Landry, Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Royal. Bon matin, petit lapin. Bon matin. Oh. Oh. C'est coquet. C'est chic. C'est coquet, hein? Ce matin. C'est coquet, oui. Ouais, c'est osé, je trouve. Ouais. Donc, François Landry, tu nous parles de politique comme à chaque semaine. Et là, le sujet d'aujourd'hui, François nous l'a mentionné plusieurs fois dans l'émission, c'est... Et c'est reparti. Et c'est reparti. Oui, monsieur. Vous avez c'est reparti. L'Assemblée nationale est recommencée. Oh! Enfin, la récré est finie. Enfin. Il t'attend. Il t'attend. Je m'ennuie à moi dans mon bureau. Whoop à Gundam Star. Hein? Gundam Star. OK. Ah, là, c'est l'enfer. Non, je sais pas quelle référence je suis, non. Aucune idée. Gangman style, je sais pas quoi. Ouais. Bah. Mais oui, c'est recommencé. L'Assemblée nationale est recommencée. La première fois dans l'histoire du Québec, Pauline Marois, femme, première ministre, donc prenait son siège, prenait son trône de première ministre. Un trône, disons. Chambranlant en équilibre précaire. Une patte croche. Trois pattes croches, je veux dire. C'est pas sur une patte qu'elle gigue ces temps-ci. Mais oui, il y a eu mardi la nomination de Jacques Chagnon à nouveau comme président de l'Assemblée. Donc, ça sera toujours le... Lui, c'était les libéraux qui l'avaient nommé là. C'est ça. Okay. Et là, il faisait une bonne job. Il est pas trop sévère. Lui, il est là juste pour mettre l'ordre. Il est président. Faites attention. Il vote pas. Habituellement, il vote pas. Donc, mais il pourrait. Il a le droit de vote. Ouais. Mais de par tradition, ils le font pas. C'est juste quand il y a vraiment litige. Serré. Comme là, présentement, c'est extrêmement serré, les vont voter. De siège. Il peut voter. Parce que, je veux juste résumer la composition de la Chambre. Parti québécois, 54 députés. Parti libéral, 50. Donc, ils sont à 4 de différence. Et la CAQ, 19. Québec solidaire, 2. Donc, ça, c'est l'Assemblée nationale au grand complet. Mais Parti libéral, pas sûr qu'il va se relancer dans des élections tout de suite. Pas sûr, François. C'est quoi ce face-là? Dans ma chronique, je vais t'en parler un peu. Okay. Élection à prévoir sous peu. Bon, OK, j'entends déjà Simon Fitzgibbon s'énerver et dire « Ah, ça faisait 3 ans que tu disais qu'il y avait... » Oui, Simon, je le sais. Mais il y a des élections dans l'air. Pas là, pas cette année. Non, pas cette année. En écoute, 2013, on peut se rendre au temps des fêtes. Facilement. Ouais. Et okay. En 2013, peut-être des élections, je dis des gros peut-être. Ça serait surprenant. Mais plausible. Ouais. Peut-être plus à l'automne 2013. Voilà. Voilà, la date fatidique, c'est dans un an, pratiquement jour pour jour, des élections générales au Québec. Fort probablement. Ouais. Donc, pas là. Là, on peut dormir sur nos deux oreilles, on peut dire, on peut juste se faire avoir par le gouvernement plutôt que d'aller changer les choses. On est correct. Mais Mme Marois peut faire passer un peu ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'elle se dépêchait. Oui, ben il y a de la stratégie politique. Regarde, son discours hier, parce que, bon, mardi, c'était la nomination du président de l'Assemblée. Bon, ils vont le chercher, te le ramasse par les mains, puis te l'amènent. Une vieille tradition. On l'applaudit. Ouais, c'est ça. Lui, il fait assemblée de résister. Je veux pas y aller, je veux pas y aller. Oh, oui. Ah, j'ai pas vu ça. J'ai jamais vu ça. Britannique. Ah, ouais. Parce qu'habituellement, le président de l'Assemblée, c'était celui qui portait les nouvelles du Parlement à la royauté britannique. Okay. Donc, quand le Parlement disait quelque chose qui ne faisait pas l'affaire du gouvernement, c'était le président de l'Assemblée qui y allait. Qui et habituellement, un peu il mourait. Ah ouais, t'es hein? Bon. Fait que le président, c'était comme une punition à l'époque, des années 1500-1600, là. C'était assez loin. Donc, c'était... C'était, c'est pour ça que, de par tradition, celui qui soit nommé président refuse puis il veut pas y aller. Non. C'est ça. Puis bon, juste compléter l'anecdote, sur la table de l'Assemblée nationale et à Ottawa, il y a un genre de gros marteau sur la table, une grosse masse. C'était pour ça. L'Assemblée? Ouais, c'était pour se défendre. À l'époque. C'est plus un outil symbolique. Ouais, j'imagine. On appelle le bâtonnier, celui qui apporte le bâton à la table. C'est un poste qui gagne 100 000 par année puis il travaille deux fois par année. T'es pas sérieux? Oh, oui, celui qui cherche pas quelqu'un? J'aimerais ça pour celui, mais je pense que c'est un poste syndiqué. Il est là pour toujours, le gars. Mais oui, hier, Pauline Marois, en tant que première ministre du Québec, a fait son premier discours inaugural, un discours obligé, un passage obligé. C'est ronflant, c'est endormant. Je l'ai même pas écouté pour être franc. J'ai juste vu les extraits, les résumés. Ouais. Parce que ça dure quasiment 5 heures. T'sais, non, c'est 5 heures. C'est long. Ça a commencé en milieu d'après-midi, puis je voulais faire tout mes chroniques là-dessus. Tout le long, c'est là qu'il parle. Oui, ben, elle propose ce que son gouvernement va faire pour le prochain mandat. Ah, donc là, faut qu'elle parle. Et ça peut changer, là. Oh, ça c'est plus, encore une fois, symbolique. C'est pour être transparent, dire « nous, c'est ce qu'on veut faire ». Et là, on écoute, et tu vois les députés en arrière commencer à compter les moutons, là. C'est à canter, les têtes sont lourdes. Yeah, c'était comique à voir, là. On va voir ça à Infoman, là. Probablement. C'est drôle, ça. Oui, c'est comique. Ben, j'ai compris, pauvres gars. Ils sont obligés d'être là puis souriants parce que la première ministre parle, mais tu sais, écoutez, 5 heures de temps. Ah, tu décroches, là. Tu décroches. Écoute, on n'est pas fait pour ça, là. Tu peux pas. Fait que dans son discours inaugural hier, Pauline Marois a mis l'accent sur 4 thèmes majeurs. Dans l'ordre, l'intégrité, la prospérité, la solidarité et l'identité. L'intégrité est payante là, en ce moment? Oui, justement parce qu'elle veut mettre un terme au fléau de la corruption au Québec. Là, j'utilise ces termes. Là. Pas fini? Là. Ça fait juste commencer, mon cher. Ça fait juste commencer. Ça commence à être un peu croustillant. Là, t'sais, comment être emblé qui fait la bouche? Kinky, hein, on aime ça. Ça commence à être... Juteux. Juteux à souhait. Crémeux. Oui, crémeux. Crémeux. Ça n'a pas vraiment rapport. Café crème? Café crème. C'est ça, la première ministre a... 3,25, bon. Oui, 3,25 de matière grasse. Ou d'intelligence. La première ministre a fait de son enjeu de l'intégrité le thème essentiel de son tout premier discours d'ouverture de la session parlementaire. C'est donc pas tant que Pauline Marois veut faire de la lutte contre la corruption son nouveau credo, mais plutôt parce qu'elle veut en faire son cheval de bataille. Elle s'en fout. Pas qu'elle s'en fout, mais disons que c'est pas l'intégrité, c'est pas le madame anticorruption, t'sais, superwoman. Non, c'est pas Jacques Duchesneau, là. Non. Ben, c'est un peu à cause de lui que le discours péquiste s'est changé. Avant, c'était vraiment l'identité, la prospérité. Ben, la commission Charbonneau. Et là, ben, oui, pas le choix par la bande, mais en ayant Jacques Duchesneau à l'Assemblée nationale contre elle, qui lui connaît comme le fond de sa poche le système judiciaire, le système policier, le système de la mafia, il va en lâcher des bonnes pas à peu près. Donc, Pauline Marois, pour se blinder, dit non, nous autres, on va prendre le devant, on va s'attaquer à la corruption avant que la CAQ puisse se le réapproprier ce discours-là. Donc, elle dit c'est un 25 cents, je garoche en l'air. Les gens du Québec veulent qu'on parle de lutte à la corruption. Je vais parler de lutte à la corruption. Ben, c'est chaud. Écoute, on entend parler à tous les jours. On voit des déclarations qui font rebondir les gens. Là. Tout à fait. Et en se montrant comme ça, donc sa cote de popularité pourrait remonter. Ben, c'est sûr. Donc, c'est pourquoi que plusieurs analystes disent déjà qu'elle est en pré-campagne électorale. Donc, elle se prépare déjà pour dire « Nous, on a fait ci, nous, on a fait ça pour la corruption. » Et en guise d'exemple, son premier projet de loi qu'elle va faire en tant que première ministre, c'est pour justement s'attaquer à la corruption. Je vais vous le résumer ici. Le premier projet de loi déposé sous peu, là, dans les quelques jours, va obliger les fournisseurs de services publics à faire preuve de probité et d'intégrité. Probité, j'ai cherché dans le dictionnaire parce que je connais pas ce mot-là, c'est l'intégrité, l'honnêteté stricte. Donc, les fournisseurs de services publics. Donc, en fait, les gars qui déneigent, exemple. Tous ceux qui travaillent pour l'État. C'est ça. Tous ceux qui travaillent pour l'État. Donc, les firmes, les contractuels. Tous ceux qui vont en appel d'offres. Tous ceux qui ont un contrat avec le gouvernement du Québec devront monter patte blanche. Du Québec ou au fédéral aussi, là, j'imagine, ça va, non? Non, fédéral, c'est carrément une autre compétence. Okay. Ça, c'est Stephen Harper qui va se charger de ça. Légiférer mais ça. Comme ici, comme tu disais, le déneigement, oui, ça fait partie de ça. Les corps municipaux, les corps policiers, les corps... C'est ça, tout ce qui est municipal aussi. Oui, ça rentre là-dedans. Là. Exactement. Tous les sous-contractants, les firmes de construction, les firmes d'ingénierie, tout. Tu montes patte blanche. Patte blanche, aucun dossier criminel. C'est une infraction. Accusation, c'est criminel. Tu peux pas. Tu peux pas travailler. Le projet de loi n'est pas encore défini, mais il pourrait y avoir une période de transition. Si tu as eu une accusation de corruption, bon, pendant 5 ans, tu peux pas postuler, mais au bout de 5 ans, ton dossier redevient vierge. C'est comme quand quelqu'un se fait arrêter à 16 ans, 18 ans, son dossier s'efface. C'est un mythe, c'est pas vrai, mais... Ouais, c'est ça, ça te laisse une trace quand même. Ça laisse une trace quand même. Ta réputation est entachée. Donc, ça serait son tout premier projet de loi. Ensuite, Pauline Marois veut s'attaquer aux élections à date fixe. Parce qu'elle se dit, ça peut empêcher la corruption de s'immiscer dans les élections. Ça, dans quel sens? Parce que Stephen Harper, souviens-toi, après le rapport Gomery, après le scandale des commandites, ouais. Un des premiers projets de loi a dit élection à date fixe. Comme ça, le gouvernement ne sera pas tenté d'aller chercher de l'argent ailleurs ou cacher la vérité en attendant que que les journalistes arrêtent de s'énerver. On va pouvoir déclencher des élections qu'à nous, ça fera notre affaire. Comme Jean Charest au printemps dernier, en théorie, c'était en avril. C'est ça. Il l'avait dit, ça pourrait être en avril dernier. Mais à cause de la perturbation étudiante, du conflit et tout ça, on a dit, je vais retarder. Donc, ça rentre dans une stratégie électorale. Tout à fait. Et aussi de transparence et tout ça. Moi, je suis favorable aux élections à date fixe parce qu'un gouvernement, c'est 4 ans. Là, présentement, c'est le premier ministre a le pouvoir de décider quand on s'en va en élection. C'est un peu antidémocratique dans le sens que si on t'aime pas, si les cotes de popularité sont au plus bas, les sondages... T'es quasiment accusé de corruption ou de peu importe quoi. T'allonges ça le plus longtemps possible. Mais en même temps, ça peut pas durer plus que 4 ans. Présentement, c'est 5 ans. C'est 5 ans? Un mandat provincial fédéral, c'est 5 ans. Comme je te souviens, c'était 4 ans. Non, c'est 5 ans. 4 ans dans la tradition, donc on se garde une année, justement, de buffer, de tampon. Tampon, de exact. Mise en tampon. Au cas où qu'il y ait quelque chose de croche qui arrive ou une maladie ou peu importe quoi, on se donne un an. Okay. Mais habituellement, c'est très rare 5 ans, mais ça s'est vu récemment avant les élections. Là, on avait jusqu'en décembre. Le gouvernement Charest, le dernier mandat, on avait jusqu'en décembre. Donc, il était dans sa 5e année. Donc, il lui restait 3 mois avant d'être obligé de déclencher des élections. OK. Donc, ça, c'est... Et s'il le fait pas? Le lieutenant-gouverneur dissout l'Assemblée nationale, c'est okay. Son droit. OK. Et là, c'est là que ça se passe. C'est ça. Donc, là, c'est pas nécessairement selon c'est pas le bien calendrier vu, du gouvernement. OK, parfait. Donc, aussi... Il va falloir qu'elle fasse attention à Pauline Marois parce que elle veut combattre le fléau de la corruption, blablabla. Mais Jean Charest a laissé un héritage assez fatigant. Ça va chatouiller le Parti québécois. Lui, la commission Charbonneau, il l'a créé, oui, mais à une condition. On va pas seulement étudier les dernières années, on va étudier les 15 dernières années. Ouais, donc, c'est ça. Là, 15 ans, c'était le Parti québécois qui était au pouvoir. Ouais, c'est ça. Donc, on c'est se rappelle, 2012 moins 15, ça veut dire 98. C'est le Parti ça. Québécois s'est fait élire en 98 jusqu'en 2003. Mais ça a beaucoup moins d'impact, là, sincèrement. Mais c'est parce que, tu sais, quand on compare, mettons, t'as des allégations qui viennent entacher la réputation du maire de Montréal, mais là il est encore en poste. Là, ouais, mais municipal, provincial, c'est deux systèmes politiques différents. Juste pour faire une parenthèse, au provincial, dès que t'es... Exemple, Jean Charest... pas Jean Charest, parce qu'il est plus là, mais imaginons, je sais pas... il est plus là. Raymond Bachand, OK, il est là. Ouais, Raymond Bachand, tout le monde le connaît. Ministre Pierre Moreau. Pierre Moreau, okay. Ouais, encore mieux, Pierre Moreau. On l'aime bien, lui. Il est proche des gens. Il est travaux publics. Ah, il est un petit peu trop. Mais, il a fait une autre conférence entourée de jeunes récemment. Là. Pour vrai? Je l'ai pas vu. C'est genre... En tout cas, ça me trouble. Là, admettons, Pierre Moreau, OK, c'est fictif, là, les chers auditeurs, c'est fictif. Pas vrai, là. C'est pas vrai. Encore, pour l'instant, c'est pas vrai. Au moment où on se parle, c'est pas vrai. C'est bon, sache. Admettons que son nom est soulevé à la commission Charbonneau, présentement. Ouais. Quelqu'un dirait, versé de l'enveloppe de l'argent cash à Pierre Moreau. Imaginons. Là, immédiatement, Pierre Moreau a le choix soit de se défendre ou de démissionner. Il n'y a pas le choix. Donc, Il peut aller en commission à Charbonneau, peut se présenter. Non, c'est sur invitation seulement. C'est sur invitation seulement, puis c'est pas tout le monde qui se fait inviter. La guest list. Ouais. T'as pas le goût d'être dessus? Au contraire, je pense que le monde se garoche pour être dessus, puis c'est la juge Charbonneau qui refuse pour dire. Ben, c'est sûr que tu peux t'avais jusqu'au 1er octobre pour t'inscrire sur la liste, tu l'as pas fait, reste assis chez vous. Tu peux pas te faire accuser? Il peut pas. Non, mais les soupçons pèsent lourd, puis la réputation pèse lourd. Il y en a plusieurs qui ont démissionné récemment, là. Juste parce que leur nom a été soulevé. Ils n'ont pas été entachés, mais leur nom a été soulevé. Mais pour revenir à exemple Pierre Moreau et un maire comme Gérald Tremblay, Pierre Moreau sera obligé de démissionner de son poste pour pouvoir se défendre parce qu'il y a une règle politique qui dit que dès qu'il met en accusation, tu te dois de démissionner. OK. Au municipal, il n'y a pas de règle comme ça. Okay. On pourrait accuser... Au municipal, c'est vraiment libre. Gérald Tremblay pourrait être porté en accusation pour meurtre, pour indécence, pour n'importe quoi. Et il reste en poste. Il reste en poste, il a le droit, parce qu'il n'y a aucune règle qui prescrit le fait qu'il doit partir. Logiquement, il devrait. Ben, logiquement, incessamment, il va le faire. Ben, il y en a qui parlent de lundi prochain. Ben non, mais je pense qu'il n'y a pas le choix. Et d'ailleurs, écoute, quand il a déposé son budget, c'est totalement stupide, là. Il augmente les taxes de 3%. Ouais, ben et on ça... parle de... Hey, ça, moi, ça m'a... Oh, je comprends ça pas que ça l'ait passé. Ça m'a choqué, François. Hey, je comprends très bien, surtout Dieu. 3%. Calme-toi. Ben, va me fâcher, François. Mais le pire là-dedans, c'est que je comprends Gérald Tremblay. je sais pourquoi il y a. Tu comprends? Oui, puis je veux pas le défendre. Je comprends pas, là. Non, mais je veux pas le défendre, mais si le temps le permet, je vais juste prendre deux minutes pour ça. Parce que, on est en avance. Là, tu vas starter, là. Ah ouais, tu vas starter. Ah ouais. Parce que c'était le temps de déposer le budget. Donc, comme il fait à chaque automne, il dépose un budget. Ouais, je suis d'accord. Là, ça, mettons, il avait dit. Aucune augmentation de taxes. OK? Ouais. Aucune. Gel pour tout le monde, congé fiscal pour tout le monde. Ben, ouais. OK. Les prix augmentent à chaque année, les déboursés augmentent à chaque année. Non, mais là, attends. Attends, wow. Tu me startes, là. Oh, oui, là, on va se starter, là. Trois start aux pommes. Au jello, là. Start aux pommes. Moi, j'aime ça, start aux pommes. Voilà. J'essaie de faire que ce soit à la mode, mais ça marche pas en tout. Ben, attends, on va mettre ça sur Twitter, tu vas voir. Hashtag start aux pommes. On va sujet qui va avec, là, mais bon. Fait que là, si les taxes augmentent pas, c'est ça. Qu'est-ce donc, que tu penses? Les services vont diminuer. Okay. Ben. Non. Yeah. S'ils ont moins de budget, donc ils ont moins de déboursés. S'il y a moins de déboursés, qu'est-ce qu'il va y avoir? Peut-être plus de privés qui vont vouloir s'immiscer là-dedans. Donc les gens vont dire la ville, c'est de la merde, je vais vouloir avoir du privé. Et qu'est-ce qui cause présentement la corruption à la ville? C'est le privé. Oui, oh, mais il y a moyen, en fait, je pense, là, de réorganiser ça un peu pour du moins. En fait, essayer pour cette année-là. Il peut pas. La machine est déjà faite. Quand on présente un budget. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas une affaire de la veille. De juin non, c'est sûr. Préparé. Non, je suis conscient. Mais tu sais, quand il arrive ça, écoute, et puis tu t'entêtes à dire que. Tu sais, t'as rien. Admettons, François. Bon, t'as une maison, t'as une femme, t'as 10 000 enfants, t'as des. Sorcier. T'as des dettes. Bon. Mettons, je te dis, François, je te coupe de 3% de ton salaire là. Ouais. Ça va te prendre 2-3 semaines à dire, ouf, il va falloir que je coupe à l'épicerie, il va falloir que je coupe à quelque part. Le temps de te réorganiser. Ben, sincèrement. Tu vas trouver le moyen. Ben, sincèrement, écoute, tu me dis ça comme ça, puis écoute, je vis pas dans le luxe et dans l'opulence, loin de là. Écoute, j'espère que vous le sachez. En tout cas, mais je sais où je pourrais couper, tu sais. Écoute. Oui. Tout à fait. Puis je m'arrangerais pour le faire. Parce que si. Non, mais si c'était si c'était conviction et puis t'es supposé être mère et tu clames ton innocence comme ça, mais tu dis, crime, je vais me battre pour la ville, tu sais. Ouais. Ce qu'il aurait pu faire, par contre, là, on joue les gérants d'estrade que oh, je ouais, déteste, tout à fait. Mais il aurait pu, oui, dire. Il y a une hausse de taxes de 3%, mais pour l'an prochain, je vous promets une diminution de taxes de 1%, dans deux ans, 2%, pour récupérer le 3%. Ça, ils pourraient faire ça, budgéter à long terme. Mais pour l'instant, un budget d'une ville, c'est pas d'une association étudiante. Non. C'est une non. ville, c'est plusieurs millions, non, de centaines sûr, de millions de dollars. Donc, c'est sûr. Comment gérer ça? Mais le nombre d'élus aussi, c'est questionnable. Oh, et tout ça. Tu sais, il aurait pu, dans son discours de propagandiste, dire « Je vais faire un effort pour nous, à l'intérieur, nous serrer la ceinture. » Donc, gel des salaires des fonctionnaires, gel de mon salaire ou même je le refuse de percevoir mon salaire pour un an. Il y aurait, tu sais, juste symbolique. Là, ouais, juste c'est pour ça. Contenter le peuple, pour c'est dire « Je fais un effort. » Et tu veux faire le ménage. Tu veux montrer l'exemple. Oui. C'est là que ça se passe. Mais là, écoute, c'est sûr que lundi prochain, ben, c'est écoute, sûr. Écoute, il y en a qui parlent de lundi. Ben, je vous laisse. Denis Coderre à la présidence. Ça, c'est, je voulais faire de mes chroniques avec Denis Coderre, notre cher ami. Ben, faudrait l'appeler maintenant. On va s'arranger elle ça. Elle est comme très occupé, Denis, ouais, parce que. Il veut peut-être pas, là. Il a volé quelque chose hier. Si on dit François Landry, il va sûrement. Ben écoute, moi, ma fête s'en vient. Là. J'attends qu'il soit de bonne fête pour le contacter. Là. Je pense que j'ai son numéro. Ça commence par quel code régional? Je pense que c'est 514. 428. Je l'ai compris après avec le. Code. Non, là, répète. C'est quoi le code régional? OK. Pour que je puisse composer le numéro. 2 sur 10. Code. Non, là, tu me déçois. Là. Code régional, c'est très bon. Ben, très bon. Du coup, comme tu veux. On peut aller en appel si tu veux. Start au pont. Ouvrons les lignes. Fais ça un sondage live. Je vais créer un événement Facebook. Oh, êtes-vous d'accord ou pas? Mais, oui, Denis Coderre. Donc, je vais finir avec le ben, moi, je t'envoie les partout, hein, mais je sais pas. Écoute, sais, tu m'as dit. C'est sur ma feuille. C'est sur ma feuille. C'est juste que je suis à page 2-3. Là. OK. J'arrête de faire des mauvaises blagues. Non, ça va. Je vais laisser tomber le reste du discours de Pauline Marois. Puis, tout ça, c'est plate. On verra la suite des choses. Hey, j'aurais donc aimé ça que tu fasses ce bout-là plat de la chronique. Je veux parler de Denis Coderre, parce que ça faisait longtemps qu'il laissait planer la rumeur qu'il pourrait éventuellement, qu'il va se passer? Dans un avenir proche, se présenter à la mairie de Montréal. Ou faire un move. Faire un gros move. Hier, il a fait un pas en avant. T'sais, il a joué au tango, là. Il a fait un pas en avant, là, on attend que... qu'il fasse l'autre pas, tu sais, il danse, tu sais, Denis, ben il aime ça, l'histoire. Denis est chambranlé. Non, Denis, il est solide comme un pilier, il est comme un roc, lui, je crains ses ennemis. Denis Coderre, qui hier a annoncé, avec son chef par intérimaire, Bob Ray, à sa droite, Comment il dit ça? Il dit, j'ai déjà dit que je serais à la chefferie ou à la mairie. Aujourd'hui, je vous annonce que je ne serai pas à la chefferie. Oh! Ben, Krim, c'est coulé dans le béton, là. Il y a encore un doute. Il y a où le doute? D'ici le 9 novembre, on peut faire un pool, les gars. Le 9 novembre, à son souper spaghetti annuel, puisque lui, il fait le plus gros party spaghetti au Québec. C'est un fait, là. Parmesan pas! Celle-là est bonne. Je te donne un... Rapide. Ouais, du 10%. Ben, c'est l'humidité du fromage parmesan. Okay. Je te donne... Donc, léger, c'est bon. Pas léger? Non, c'est très... Ben, 10%, c'est juste parfait. Good! Ouais, une note parfaite. Là, on cote en fromage. Est-ce qu'on va coter en termes d'air un jour? Est-ce que ça va être une cotère? Je reviens à coteur. Non, c'est là. Ça finit, ça. Okay. Oui, donc le 9 novembre prochain, donc la semaine prochaine, c'est là qu'il pourrait... J'utilise le conditionnel, pourrait annoncer qu'il se lance officiellement à la mairie de Montréal, mais il y a un gros problème. Quoi? Il est encore député. Faut qu'il démissionne avant. Il n'y a pas de règles. Mais, c'est un flou, éthiquement parlant, très mal si tu as un salaire de député et que les gens t'ont donné un mandat de député, fais pas campagne électorale avec ton salaire que nous, on t'a donné comme député pour faire campagne comme maire de Montréal. En même temps, question financièrement, je suis pas inquiet pour Denis Coderre. Bon, je ne suis pas en tout. Je juste envoyé un tweet, puis il ramasse de l'argent. Là. Ouais, non, c'est sûr. Ça, c'est clair. Mais, donc, très bientôt. Et, ça sera. Les élections, c'est dans un an, pratiquement jour pour jour. C'est au début novembre 2013, les élections municipales à Montréal. Ben, partout au Québec, c'est une loi maintenant. Partout au Québec, c'est au mois de novembre 2013. Donc, on va voir si Denis Coderre, le pilier, le. Le géant, là, en tout cas. Le géant vert, oh, oh, oh. Le géant. Non, je suis pas capable, tu sais. Oh, non, je suis pas capable. Non, jeu de mots avec Coderre, Là, t'essayes vraiment trop, là. Parce que moi, dans ma tête, j'étais en train d'essayer de faire un jeu de mots avec des putes, hein, pour députer, mais ça marchait pas, puis ça fitait pas dans la conversation. Fait que toi, t'essayes de faire un autre jeu de mots, il marche pas. Fait que on s'affronte, puis ça tombe dans le beurre. Un combat de jeu de mots. C'est ça, des putes, hein. Ça serait bon. Un autre fois, mec, ça donne. Ouais, c'est ça. Dans le temps des fêtes, que ça soit relax. C'est ça, ouais. Oui, donc. Bob Rick a annoncé hier, s'est dit déçu, mais comprenait très bien. Parce qu'en même temps, en n'ayant pas Denis Coderre dans ses pattes, Bob Rick peut dire, enfin, je viens de me débarrasser d'un poids lourd. Dans le sens que, il est poids lourd, oui, mais il est fatiguant. Il a de quoi dans ses pattes comme des pattes. Il est intense. J'avais réussi à placer mon jeu de mots. Oh, bon, on l'a pas entendu. C'est quoi? Il y a quelqu'un dans les jambes comme des putes, hein? Comme des putes, ils ont quelqu'un dans les jambes. Mets plus l'accent sur le « et » parce que ça fait des putes. Ah! Ouais. Ça, je voulais. OK. C'est bon. François! Bon. Je me sens rejeté, là. Parlons-nous, là. Oui, donc, oui, parce que Denis Coderre, s'il s'était présenté à la chefferie du Parti libéral, il y aurait eu encore un schisme entre l'aile québécoise du parti et l'aile plus canadienne du parti. Ce que Justin Trudeau, le seul prétendant jusqu'à maintenant, arrive à concilier. C'est un Québécois, mais beaucoup plus canadien qu'un Québécois, on va s'entendre, parce que... lui-même refuse de reconnaître la loi 101, mais le fait que le Canada se doit d'être absolument bilingue. Donc, c'est plus le fils du père que le futur premier ministre rassembleur. Mais tout ça pour dire que Denis Coderre, à la mairie de Montréal, c'est plausible. 9 novembre, hein? Non, dans un an. Dans un an, au mois de novembre. La date exacte m'échappe. C'est parce que si... le 9 novembre, oui, le 9 novembre qu'il annonce. OK. Mais novembre 2013 pour les élections, oui, pardon. Mais si Gérard Tremblay quitte lundi, par exemple, il va y avoir des élections... Non. Il y a l'exécutif, il y a le vice-président, puis... Par ailleurs, il y a eu une conférence de presse cette semaine sans Gérald Tremblay. C'est le vice-président qui parlait dans un français impeccable à la Joël Lebigault. Là. C'était vraiment... Non, mais... Radio-canadien. Genre anglais qui parle pas français. Ah, c'était donc sarcastique. C'était donc sarcastique. Des fois, le premier niveau. Sac à plastique. le premier vice-président, donc le Gérald Tremblay junior, il parlait. Puis, donc c'est lui qui serait le maire de Montréal si Gérald Tremblay... Par intérim. C'est ça. À moins qu'il y ait renversement. Il y a des élus de l'Union Montréal, donc du parti du maire, qui démissionnent présentement. Donc, ils pourraient être en difficulté. Il pourrait y avoir des élections précipitées, mais j'en doute. Et le poste à la mairie là, de Montréal, en fait, intéresse qui? Louise Arel? Louis Arel, présentement de Vision Montréal, qui est le parti officiel de l'opposition, donc ancienne députée péquiste, et Richard Bergeron. Richard Bergeron. Projet Montréal, qui est le parti, exemple, pour faire juste une comparaison, c'est Québec solidaire. Projet Montréal, Québec solidaire, Vision Montréal, Parti québécois et Union Montréal de Gérald Tremblay, le Parti libéral du Québec. Dur à retenir. Ah non, ouais. Je l'ai discuté avec les trois. Mais c'est demain que je me... Ça fait tout pareil. Oui. Oui, oui. Puis, non, et puis, Denis Coderre qui se rajouterait à ça. Denis Coderre qui pourrait soit fonder son propre parti. Oui, est-ce que c'est plausible? C'est plausible. Ouais, ça, tout à fait. Il pourrait aller sélectionner ses gens. Okay. Mais ça serait plus vers Vision Montréal qui irait avec Louis Arel. Louis Arel avec ou sans? C'est quoi, on déclasse Louis Arel? Louis Arel est là pour... Ou il se présente tout seul comme à Toronto, le maire Ford, Rob Ford. Lui, il n'a pas de parole, le big fan. Lui, là... Appelons-le le gros colon, parce que oui, j'ai aucun respect pour cet homme-là. Mais... Ah, il est bizarre, hein? Il fait jaser. Il fait jaser, il fait rager surtout. Mais lui, à Toronto, il n'y a pas de parti politique, donc c'est des individus qui se présentent. OK, indépendants. Oui, c'est tous des indépendants, donc ça fait un beau melting pot à l'Assemblée. Mais à Montréal, c'est des partis politiques, donc Denis Coderre sera-t-il tenté de se présenter au sein d'un parti déjà formé ou de se présenter comme indépendant puis qui même me suive? Il pourrait aller chercher des petits amis, puis ensuite fonder un parti politique. Ouais, c'est sûr. Tout est plausible. OK. Tout est plausible. Mais pour l'instant, 9 novembre, donc la semaine prochaine, on va en savoir un petit peu plus sur les intentions, sur l'avenir de Denis Coderre, notre cher ami Twitter. Génial, génial. Et puis, écoute, ça s'est parlé cette semaine aussi rapidement, là, en finissant. Aussi la mairie à Trois-Rivières, ça fait jaser. Les gens Ils veulent du changement. Ils veulent du changement. Mais selon un sondage, ils sont bien contents du Maire-Lévesque. Mais c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Ouais, ils sont contents de son travail, mais ils ne voteraient pas pour ça. On aime chialer, mais il fait le job. Ou au contraire, il fait pas le job, mais on l'aime bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est bipolaire, schizophrène. On aime ça. On sait pas ce qu'on veut. On aime ça chialer. On aime ça chialer. C'est le fun chialer. François André, merci. François André, ça fait plaisir. Merci. Next week. Ouais. Jeudi? Ouais. Mettons 8h30? Genre, t'es style. Ou un peu avant? Bon. Wow. Un peu avant, on aime ça. Check, on a eu le temps. On a eu le temps juste correct. Hein. On a juste assez de temps pour passer à tout ce qu'on a à faire pour le reste de l'émission. On va commencer par le concours. Oui, effectivement, on a un concours, en fait, de six-pack à gagner. On a des CD et un vinyle. Donc, vous nous appelez au 819-376-5183. 819-376-5183. C'est appartenir. Et là-dedans, il y a entre autres, je sais qu'il y a du Jack White. Là, il y avait Dried River. Ouais, Dried River. Band of Horses. Ouais. Et on va l'entendre, une pièce de Walk the Moon. Voici Cassidia. Ça fait aussi partie du six-pack. Bonne chance à vous. 819-376-5183. On revient avec la conclusion de l'émission. Restez là. I must have tumbled out of a plane. 'Cause I free fell all year. My chute is blooming out like spring. And I'm nowhere now but here. When I see your long hair falling down, turn my head inside out, and I want you, I still do. Walk the Moon. Qu'est-ce que tu dis, hein? Oh oui. Oh oui. C'est bon, hein? C'est sensuel, ça, Mathieu. Ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui. L'émission, en fait, pour cette semaine. On a plein de choses à se dire avant de terminer, par contre. Il va y avoir... En fait, je pense qu'il nous reste encore quelques CD à donner. Donc peut-être que la semaine prochaine, on va pouvoir se permettre un dernier concours. Exactement. Sinon, écoutez le dîner de con. Exact. À midi. Il va en avoir gagné. Entre 11h et 13h. Donc, commençons par le début. Et on va remercier les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Maxime Bétuy, sa nouvelle chronique cinéma et télé. On remercie François Landry. Oui, et merci. Oui. Merci beaucoup. Il vient tout juste de s'en aller, là. Tout à fait. Puis on vous remercie vous d'avoir écouté. Restez à l'écoute à 11h pour le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, je serai de retour à 15h avec Alexandra Carignan pour les palmarès C'est fou. Les puis, palmarès. Palmarès. Les palmarès. Le Crazy Countdown. Peut-être une prestation des Strokes. Hein? Je ne sais pas, il n'y a rien de confirmé encore, là, okay. Mais... J'attends tes nouvelles là-dessus. Cool, ouais. Parfait. Ensuite, à 18h, Mathieu Roy et son émission Soirée au coin du feu. À 19h, 13e étage avec de l'électro-jazz éclectique. Et finalement, à 21h, électro-tactile avec de la musique électronique. Ce qui s'en vient juste là, à 9h, c'est la nouvelle émission La Belle et les Bêtes, ou encore La Belle et les Bêtes. Bon. Hein? Non, ça s'en vient à 9h avec, avec Pierre-Luc Gay. Oui, ses amis. C'est ça, ça va être bon. Oui, tout à fait. Donc, restez là, c'est à 9h dans quelques instants. Ce qu'on va faire là, c'est se quitter avec la chronique de Régis Solry. Pour la dernière fois le jeudi. Exact, c'est la chronique numéro 4 d'une longue série, mais on va changer le jour étant donné qu'on a une émission après nous maintenant et que ça va comme un petit peu défoncer sinon. Donc on va écouter une dernière fois à 9h le jeudi. Ça va déménager au mercredi à la même heure à partir de la semaine prochaine. Génial. Là, c'est l'épisode 4 qu'on s'en va entendre. On va se quitter là-dessus. Passez une belle fin de semaine, François. Belle fin de semaine. Spectacle d'East Road ce soir à la Chasse Galerie, 22h, c'est gratuit. Donc présentez-vous. Tu sais, manquez pas ça. Ça va être bon. On va brûler les planches. On va mettre le feu aux poudres. On va essayer. Bon. Donc, Mathieu Plante va danser. Oui, c'est ça. Bye. Bye.